Section 40 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 40. L'abbé Constantin par Ludovic Halévy de l'Académie française. Chapitre 7. Le lendemain matin, au retour de la manœuvre, Paul de la Verdenne attendait Jean dans la cour du quartier. Il lui laissa à peine le temps de descendre de cheval. Et dès qu'il le tint seul à seul, « Raconte, lui dit-il, vite, ton dîner d'hier, raconte. Je les ai vus, moi, le matin. La petite conduisait 4 poneys noirs et avec une crânerie. Je les ai salués. As-tu parlé de moi? M'ont-elles reconnu? Quand me conduis-tu à Longueval? Mais réponds-moi, réponds-moi donc. Répondre, répondre. À quelle question d'abord? À la dernière. Quand je te conduirai à Longueval? Oui. Eh bien, dans une dizaine de jours. Elles ne veulent voir personne en ce moment. Alors, tu ne retourneras à Longueval que dans une dizaine de jours? Oh, moi, j'y retourne aujourd'hui, à 4 heures. Mais moi, je ne compte pas. Jean Reynaud, le filleul du curé. Voilà pourquoi j'ai pénétré si facilement dans la confiance de ces deux charmantes femmes. Je me suis présentée sous le patronage et avec la garantie de l'Église. Et puis, on a découvert que je pouvais rendre de petits services. Je connais très bien le pays. On va m'utiliser comme guide. Enfin, je ne suis personne, moi. Tandis que toi, comte Paul de la Verdenne, toi, tu es quelqu'un. Aussi, ne crains rien. Ton tour viendra avec les fêtes et les bals, quand il faudra briller, quand il faudra danser. Tu resplendiras alors de tout ton éclat, et je rentrerai fort humblement dans mon obscurité. Moque-toi de moi tant qu'il te plaira. Il n'en est pas moins vrai que pendant ces 10 jours, tu vas prendre une avance. Comment une avance? Voyons, Jean, est-ce que tu veux essayer de me faire croire que tu n'es pas déjà amoureux de l'une de ces deux femmes? Est-ce possible? Tant de beauté, tant de luxe. Oh, le luxe peut-être encore plus que la beauté. Le luxe, à ce degré-là, ça me renverse, ça me bouleverse. Ces 4 poneys noirs, avec leur rose blanche en cocarde, j'en ai rêvé cette nuit. Et cette petite, Bettina, n'est-ce pas? Oui, Bettina. Bettina, comtesse Bettina de la Verdenne. Est-ce assez gentil? Et quelle perfection de petit mari elle aurait en moi. Être le mari d'une femme follement riche, voilà ma destinée. Ce n'est pas aussi facile qu'on peut le supposer. Il faut savoir être riche, et j'aurai ce talent-là. J'ai fait mes preuves. J'en ai déjà mangé de l'argent. Et si maman ne m'avait pas arrêté, mais je suis tout prêt à recommencer. Ah, comme elle serait heureuse avec moi. Je lui ferais une existence de princesse de féerie. Elle sentirait dans son luxe le goût, l'art et la science de son mari. Je passerai ma vie à la tiffer, à la pomponner, à la bichonner, à la promener triomphante à travers le monde. J'étudierai sa beauté pour bien la mettre dans le cadre qui lui conviendrait. S'il n'était pas là, se dirait-elle, je serais moins jolie. Je ne saurais pas seulement l'aimer, je saurais l'amuser. Elle en aurait pour son argent et de l'amour et du plaisir. Allons, Jean, un bon mouvement. Conduis-moi aujourd'hui chez Madame Scott. Je ne peux pas, je t'assure. Eh bien, dans 10 jours seulement. Mais alors, je t'en préviens. Je m'installe à Longueval et je n'en bouge plus. D'abord, ça fera plaisir à maman. Elle est encore un peu montée contre les Américains. Elle dit qu'elle s'arrangera pour ne pas les voir. Mais je la connais, maman. Le jour où je lui dirai un soir en rentrant, « Maman, j'ai gagné le cœur d'une charmante petite personne qui est affligée d'un capital d'une 20aine de millions et d'un revenu de 2 ou 3 millions. On exagère quand on parle de centaines de millions. Les vrais chiffres, les voilà, et ils me suffisent. Ce soir-là, elle sera enchantée, maman, parce que, au fond, qu'est-ce qu'elle désire pour moi? Ce que toutes les bonnes mères désirent pour leurs fils, surtout quand leurs fils ont fait des bêtises. Un riche mariage ou une liaison discrète dans le monde. Je trouve à Longueval les deux combinaisons et je m'accommoderai volontiers de l'une ou de l'autre. Tu auras seulement dans 10 jours la complaisance de me prévenir. Tu me feras savoir laquelle des deux tu m'abandonnes, Madame Scott ou Miss Percival. Tu es fou. Je ne pense et je ne penserai pas plus. Écoute, Jean, tu es la sagesse et la raison même. D'accord, mais tu auras beau dire et beau faire. Écoute, et rappelle-toi bien ce que je te dis là. Jean, tu seras amoureux dans cette maison-là. Je ne crois pas, répondit Jean en riant. Et moi, j'en suis sûr. Au revoir. Je te laisse à tes affaires. Jean, ce matin-là, était parfaitement sincère. Il avait très bien dormi la nuit précédente. Sa seconde entrevue avec les deux sœurs avait comme par enchantement dissipé le léger trouble qui avait agité son âme après la première rencontre. Il se préparait à les revoir avec beaucoup de plaisir, mais avec beaucoup de tranquillité. Il y avait trop d'argent dans cette maison-là pour que l'amour d'un pauvre diable tel que lui pût y trouver place honnêtement. L'amitié, c'était une autre affaire. De tout son cœur, il souhaitait, et de toutes ses forces, il allait essayer de s'établir bien paisiblement dans l'estime et l'affection de ces deux femmes. Il tâcherait de ne pas trop s'apercevoir de la beauté de Suzy et de Bettina. Il tâcherait de ne plus s'oublier, comme il l'avait fait la veille, dans la contemplation de ses 4 petits pieds posés sur 2 tabourets de jardin. On lui avait dit bien franchement, bien cordialement, « Vous serez notre ami, voilà tout. » Ce qu'il désirait, être leur ami, et il le serait. Tout, pendant les 10 jours qui suivirent, tout conspira pour le succès de cette entreprise. Suzy, Bettina, l'abbé et Jean vécurent de la même vie, dans la plus étroite et dans la plus confiante intimité. Les deux sœurs faisaient dans la matinée de longues promenades en voiture avec le curé et dans l'après-midi avec Jean de longues promenades à cheval. Jean ne cherchait plus à analyser ses sentiments. Il ne se demandait plus s'il allait pencher à droite ou à gauche. Il se sentait pour ces deux femmes un égal dévouement, une égale affection. Il était complètement heureux, complètement tranquille. Donc, il n'était pas amoureux, car l'amour et la tranquillité font rarement bon ménage dans le même cœur. Jean, cependant, voyait avec un peu d'inquiétude et de tristesse s'approcher le jour qui allait amener à Longueval les Turner, les Norton et tout le flot de la colonie américaine. Ce jour vint très vite. Le vendredi 24 juin, à 4 heures, Jean arrivait au château. Bettina le reçut toute chagrine. « Quel contretemps !» lui dit-elle. « Voilà ma sœur souffrante. Un peu de migraine. Rien du tout. Il n'y paraîtra plus demain. Mais enfin, je n'ose pas aller me promener avec vous toute seule. Là-bas, en Amérique, j'oserais. Mais ici, non, n'est-ce pas ?»« Assurément non, » répondit Jean. « Je suis obligée de vous renvoyer. Et cela me fait beaucoup de peine. » Cela me fait à moi aussi beaucoup de peine de m'en aller et de perdre cette dernière journée que j'espérais passer avec vous. Cependant, puisqu'il le faut, je viendrai demain prendre des nouvelles de votre sœur. Elle vous en donnera elle-même, je vous le répète, ce n'est rien du tout. Mais ne vous sauvez pas si vite, je vous en prie. Voulez-vous m'accorder un tout petit quart d'heure d'entretien? J'ai à vous parler. « Asseyez-vous là. Et maintenant, écoutez-moi bien. Nous avions, ma sœur et moi, l'intention de vous bloquer ce soir, après dîner, dans un petit coin du salon. Et c'est alors, ma sœur qui aurait porté la parole. C'est elle qui vous aurait dit ce que je vais essayer de dire en notre nom à toutes les deux. Mais je suis un peu émue. Ne riez pas, c'est très sérieux. Nous voulions vous remercier, toutes les deux, d'avoir été, depuis notre arrivée, si aimable, si bon, si dévoué, si... Oh, mademoiselle, je vous en prie, c'est à moi. Oh, ne m'interrompez pas, vous allez m'embrouiller. Je ne saurai plus m'en tirer. Je maintiens d'ailleurs que c'est à nous de remercier, pas à vous. Nous arrivions ici comme deux étrangères. Nous avons eu la joie d'y trouver tout de suite des amis. Oui, des amis. Vous nous avez prises par la main. Vous nous avez menés chez nos fermiers, chez nos gardes, pendant que votre parrain nous menait chez ses pauvres. Et partout, on vous aimait tant que tout de suite, de confiance, on s'est mis, sur votre recommandation, à nous aimer un peu. On vous adore dans ce pays, le savez-vous? J'y suis née. Tous ces braves gens me connaissent depuis mon enfance et me sont reconnaissants de ce que mon grand-père et mon père ont fait pour eux. Et puis, je suis de leur race, de la race des paysans. Mon arrière-grand-père était un cultivateur de Bargecourt, un village à 2 lieues d'ici. Oh, oh, vous avez l'air bien fier de cela. Ni fier, ni humilié. Je vous demande pardon. Vous avez un petit mouvement d'orgueil. Eh bien, je vous répondrai, moi, que l'arrière-grand-père de ma mère était un fermier en Bretagne. Il s'en est allé au Canada, à la fin du siècle dernier, quand le Canada était encore la France. Et vous l'aimez beaucoup, ce pays où vous êtes né. Beaucoup. Je serai bientôt peut-être obligée de le quitter. Pourquoi cela? Quand j'aurai de l'avancement, on m'enverra dans un autre régiment et je me promènerai de garnison en garnison. Mais assurément, quand je serai un vieux commandant ou un vieux colonel en retraite, je viendrai vivre et mourir ici, dans la petite maison de mon père. Toujours tout seul? Pourquoi tout seul? J'espère bien que non. Vous avez l'intention de vous marier? Oui, certainement. Et vous cherchez à vous marier? Non, on peut penser à se marier, mais on ne doit pas chercher à se marier. Il y a cependant des gens qui cherchent. Allez, je vous en réponds. Et même, vous, on a voulu vous marier. Comment savez-vous cela? Ah, je connais si bien toutes vos petites affaires. Vous êtes ce qui s'appelle un bon parti. Et je le répète, on a voulu vous marier. Qui vous a dit cela? Monsieur le curé. Mon parrain a eu tort, dit Jean, avec une certaine vivacité. Non, non, il n'a pas eu tort. Si quelqu'un a été coupable, c'est moi. Et coupable par charité, non par curiosité, je vous le jure. J'ai découvert que votre parrain n'était jamais si heureux que lorsqu'il parlait de vous. Alors moi, le matin, quand je suis seule avec lui, pendant nos promenades, pour lui faire plaisir, je lui parle de vous et il me raconte votre histoire. Vous êtes à votre aise. Vous êtes très à votre aise. Vous recevez du gouvernement 213 francs par mois et des centimes. Est-ce bien cela? Oui, dit Jean, se décidant à prendre de bonne grâce son parti des indiscrétions du curé. Vous avez 8 000 francs de rente? À peu près. Pas tout à fait. Ajoutez à cela votre maison, qui vaut 30 000 francs. Enfin, vous êtes dans une excellente situation. Et on a déjà demandé votre main. Demandez ma main? Non, non. Si fait, deux fois. Et vous avez refusé 2 très beaux mariages, 2 très belles dots, si vous aimez mieux. C'est la même chose pour tant de gens. 200 000 francs d'une part, 300 000 de l'autre. Il paraît que c'est énorme pour le pays. Donc vous avez refusé. Dites-moi pourquoi, si vous saviez, comme je suis curieuse de savoir. Eh bien, il s'agissait de 2 jeunes filles charmantes. C'est entendu. on dit cela toujours. Mais que je connaissais à peine, on m'a forcé, car je faisais résistance. On m'a forcé à passer avec elle 2 ou 3 soirées, l'hiver dernier. Et alors ? Alors, je ne sais pas trop comment vous expliquer. Je n'ai éprouvé aucun sentiment d'embarras, d'émotion, d'inquiétude, de trouble. Enfin, dit résolument Bettina, pas le plus léger soupçon d'amour ? Non, pas le moindre. Et je suis rentrée bien sagement dans mon petit trou de garçon. Car je pense qu'il vaut mieux ne pas se marier que se marier sans amour. Voilà mon opinion. Et c'est aussi la mienne. Elle le regardait. Il la regardait. Et brusquement, à leur grande surprise à tous les deux, ils ne trouvèrent plus rien à se dire. Plus rien du tout. Par bonheur à ce moment, Harry et Bella, avec de grands cris de joie, se précipitèrent dans le salon. « Monsieur Jean, Monsieur Jean, vous êtes là, Monsieur Jean. Venez voir nos poneys. » Ah, dit Bettina d'une voix un peu incertaine, Edward est revenu tout à l'heure de Paris et il a ramené pour les enfants des poneys microscopiques. Allons les voir, voulez-vous ? On alla voir les poneys qui étaient dignes, en effet, de figurer dans les écuries du roi de Lilliput. Fin de la section 40, lue par Margot.